Le jeudi 18 mai, ici Dominique Lelièvre et les informations. Un déversement d'hydrocarbures s'est produit pour la deuxième fois en moins d'une semaine dans le secteur de la rivière Saint-Charles à Limoilou. À nouveau, le ministère de l'Environnement se dit incapable d'identifier la source. Le produit qui s'est déversé vient vraisemblablement du réseau pluvial, ce qui complique son identification. Les deux événements ne seraient cependant pas liés. C'est un citoyen qui avertit les autorités vers 20 heures hier soir de la présence d'une nappe d'hydrocarbures dans la rivière Léret, près du parc quartier Brébeuf. De faible ampleur, le déversement, le produit se serait évaporé au courant de la nuit, si bien qu'il n'en reste plus de traces aujourd'hui. L'impact sur la faune est jugé minime. Nouveau rebondissement dans l'histoire de Karine Major, cette jeune Rimouskoise portée disparue la semaine dernière et retrouvée 7 jours plus tard en Saskatchewan. La Sûreté du Québec a annoncé ce matin avoir mis en état d'arrestation la jeune chimiste pour méfaits publics. On lui reproche d'avoir fourni aux policiers de faux renseignements au cours de son interrogatoire, ce qui les aurait menés à conduire une fausse enquête. Selon le Journal de Québec, Madame Major aurait indiqué avoir été enlevée par un homme alors que ce n'était pas le cas. Les policiers précisent que le fait d'avoir quitté ses proches sans laisser de nouvelles n'a aucun lien avec son arrestation. La famille de Karine Major indique qu'elle se porte bien et que des démarches sont en cours pour ramener la jeune chimiste au Québec. Sa sœur se dit heureuse d'avoir pu la retrouver et demande désormais à ce que sa vie privée soit respectée. Il y aura finalement un référendum à Saint-Apollinaire pour déterminer du sort du projet de cimetière musulman. Sur une population de 6000 personnes, seule une soixantaine pourra se prononcer le 16 juillet prochain. Une vingtaine d'entre eux a signé hier le registre exigeant une consultation publique, comme le prévoit la loi québécoise sur l'urbanisme. Même s'il appuie le projet du Centre culturel islamique de Québec, le maire de Saint-Apollinaire, Bernard Ouellet, a affirmé qu'il se tiendrait à l'écart pour respecter le processus démocratique. Le comité s'opposant au projet promet de continuer à militer sur le terrain. De son côté, l'entreprise de pompes funèbres Harmonia prévoit tenir des journées portes ouvertes pour mieux informer les gens sur la nature du projet. Printemps, été, automne, hiver, météo. C'est une très belle journée, comme vous l'aurez constaté aujourd'hui à Québec. On nous annonce un maximum presque atteint en ce moment à 12h30, un maximum de 29 degrés Celsius. Présentement à Québec, on a 27 degrés, c'est partiellement nuageux. Il y a 60% de probabilité d'averse cet après-midi, avec risque d'un orage. Risque d'averse et d'orage également ce soir et cette nuit. Demain, vendredi, ça se refroidit un petit peu. Il fera 15 degrés avec du soleil. C'est aussi une belle fin de semaine qui nous attend avec samedi du soleil et 17 degrés et dimanche un maximum de 19 degrés, toujours sous le soleil. L'Orchestre symphonique de Québec clôture sa saison de façon grandiose avec une œuvre somptueuse qui réunira sur la scène du Grand Théâtre de Québec plus de 100 musiciens. Au programme, le Emmenbach illustre la Symphonie alpestre, une œuvre de Richard Strauss, illustrée par des toiles de maîtres du 19e siècle. Fabien Gabel, les musiciens de l'orchestre et le Musée national des beaux-arts vous donnent rendez-vous le 24 mai à 20h et le lendemain en matinée à 10h30. Ce concert est présenté par Simons. Tous les détails sur osq.org.